الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. Continue la lecture et la traduction du livre Taysir al-Allam, شرح عمدة الأحكام de l'imam عبد الغني المقدسي رحمه الله et l'explication du Cheikh Abdullah al-Bassam رحمه الله تعالى. La semaine dernière, on avait entamé le 180e hadith, qui est le hadith d'Abu Huraira radiallahu anhu, qui nous le récite. Qui nous le récite? Habitao? Tadala. هل تجد طعام 60 مسكينا؟ قال لا. فسكت النبي صلى الله عليه وسلم. فبينما نحن على ذلك إذ أتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر والعرق مكتل، فقال أين السائل؟ قال أنا. قال فخذ هذا، فخذ هذا وتصدق، خذ هذا وتصدق، خذ هذا وتصدق به. قال أفقرم على أفقر مني يا رسول الله، فوالله ما بين لبديها يريد الحرتين أهل بيتي أفقر من أهل بيتي. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بلت أنيابه، وقال أطعمه أهلك. نعم، الحرة، الحرة الأرض التي تعلوها حجارة سود. نعم، أحسنت، بارك الله فيك. Vous connaissez la règle, celui qui n'y a pas, s'il n'y a pas au moins une personne qui connaît le hadith ou les hadiths que l'on a expliqués la semaine d'avant, je ne serai pas en mesure de faire le cours. Est-ce que vous êtes tous d'accord? Oui ou non? C'est logique ou pas? En une semaine, est-ce qu'on peut apprendre, il y a combien? 2, 4, 6, 8, 10? Allez. Il y a 9 lignes. Une ligne et demie par jour. C'est possible ou pas? Donc si personne ne connaît le hadith ou les hadiths que l'on a expliqués, j'en déduirai que c'est un manque de motivation et rien d'autre. Taïb, la semaine dernière, on avait expliqué les termes du hadith, on avait expliqué la divergence des savants. Puis aujourd'hui, on va traiter les jugements que l'on retient de ce hadith. قال المؤلف رحمه الله الأحكام المأخوذة من الحديث. أولا، إن الوطأ في نهار رمضان من الفواحش المهلكات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقره على قوله هلكت، ولو لم يكن كذلك لهون عليه الأمر. Est-ce que vous avez déjà tous en tête le hadith ou pas? Est-ce qu'il faut que je le relise en français pour que il soit présent dans vos esprits? طيب. Donc le hadith est le hadith d'Abu Huraira radiallahu anhu, le 180e, dans lequel il dit radiallahu anhu que nous étions assis avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'un homme est venu et a dit: oh envoyé d'Allah, j'ai causé ma perte. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit: qu'est-ce qui a causé ta perte? Ou lui a dit: qu'as-tu? Il a dit: j'ai eu un rapport avec mon épouse alors que je jeûnais. Et dans une version, j'ai eu un rapport avec mon épouse pendant le ramadan. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit: as-tu un esclave à franchir? Il a dit non. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit: as-tu la possibilité de jeûner 2 mois consécutifs? L'homme a répondu non. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit: as-tu la possibilité de nourrir 60 pauvres? L'homme a dit non. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est tu. Abu Hurayra radiallahu anhu dit: alors que nous étions ainsi, c'est-à-dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait observé le silence, c'est alors que l'on apporta au prophète sallallahu alayhi wa sallam un panier de dattes. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam alors dit: où est le questionneur? Il a répondu: c'est moi. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit: prends ces dattes et donne-les en aumône. Il a dit: dois-je les donner à plus pauvre que moi, ô envoyé d'Allah? Par Allah, il n'y a pas entre ces deux endroits où il y a des pierres noires. Et on avait expliqué que c'était Médine. Médine qui est entre deux endroits où il y a des pierres noires. On avait dit que c'était à l'est et à l'ouest de Médine. Il a dit: par Allah, il n'y a pas entre ces deux endroits, c'est-à-dire il n'y a pas à Médine, une maison dans laquelle il y a des personnes plus pauvres que les gens de ma famille. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a ri jusqu'à montrer ses canines. Puis il a dit: donne-le à ta famille. Donne-les à ta famille, en parlant des dattes. Donc, les jugements que l'on retient de ce hadith. Cheikh al-Bassam, rahimahullah, dit premièrement que le fait d'avoir un rapport avec son épouse la journée du Ramadan fait partie des turpitudes et des choses qui provoquent la perdition. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a approuvé cet homme lorsqu'il a dit: j'ai causé ma perte. Il a approuvé cet homme lorsqu'il a dit: j'ai causé ma perte. Et si ce n'était pas vrai, il n'aurait pas été aussi accablé que cela. ثانياً إن الواطئ عمداً يجب عليه الكفارة وهي على الترتيب عتق رقبة فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكيناً. إن الكفارة لا تسقط مع الإعسار لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يسقطها عنه بفقره وليس في الحديث ما يدل على السقوط. Deuxièmement, que celui qui a un rapport amdan, c'est-à-dire volontaire, avec son épouse pendant la journée du Ramadan, eh bien l'expiation devient obligatoire pour lui. Et l'expiation, on avait vu cela la semaine dernière, où les savants avaient divergé sur est-ce que les trois choses, ou les trois expiations, la personne a le choix d'opter pour l'une ou pour l'autre, ou il doit respecter l'ordre. L'ordre qui est affranchir un esclave, jeûner soit 2 mois consécutifs, et nourrir 60 pauvres. Et on a vu que Cheikh al-Bassam, rahimahullah, et la majorité des savants également, considèrent que c'est l'ordre qu'il faut respecter. Que c'est l'ordre qu'il faut respecter. Et on a vu notamment que lorsque l'on respecte l'ordre, on respecte aussi l'autre avis. On avait dit que quand on respecte l'ordre, c'est l'avis qui rassemble les deux. Vous en rappelez ou pas? Si on a le choix, on prend l'un ou l'autre. Mais lorsque l'on dit tu fais le premier, si tu n'as pas, tu fais le second, si tu ne peux pas, tu fais le troisième, en faisant respecter l'ordre, est-ce qu'on donne le choix aussi? Oui ou non? Et lorsque l'on donne le choix, est-ce qu'on respecte l'ordre? Lorsque l'on donne le choix, est-ce qu'on respecte l'ordre? Non. Donc, l'avis qui rassemble les deux, à la fois respecter l'ordre et donner le choix, c'est le second, de respecter l'ordre. Donc, Cheikh al-Bassam, rahimahullah, dit que celui qui a un rapport avec son épouse la journée du Ramadan, l'expiation devient obligatoire pour lui et il devra respecter l'ordre, qui est d'affranchir un esclave s'il ne peut pas de jeûner 2 mois consécutifs, s'il ne peut pas de nourrir 60 pauvres. On retient également de ce hadith que l'expiation n'est pas annulé pour cause de pauvreté. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas annulé l'expiation à cet homme qui était pauvre. Et rien dans le hadith vient prouver que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a annulé l'expiation. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsque l'homme lui a dit qu'il ne pouvait pas nourrir 60 pauvres, qu'est-ce qu'a fait le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Est-ce qu'il lui a dit c'est pas grave? Non, le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'inquiète, il s'est tu. Et le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam se soit tu prouve que qu'il n'a pas annulé l'expiation. Rabi'an jawaz at-takfir 'an al-ghayr walaw min ajnabi. Quatrièmement, on retient de ce hadith qu'il est autorisé de donner une expiation à une tierce personne, même si celle-ci est étrangère. Donc lorsque tu sais que quelqu'un a une expiation à faire et qu'il n'a pas les moyens, est-ce que tu as le droit de lui donner de quoi expier? La réponse est oui. Est-ce que tu as le droit de le faire uniquement aux membres de ta famille ou même si c'est une personne étrangère? La réponse est même si c'est une personne étrangère. Même si c'est une personne étrangère. خامسا إن له الأكل منها وإطعامها أهله ما دامت مخرجة من غيره. Cinquièmement, celui qui doit faire l'expiation, il a le droit de manger et de nourrir sa famille de cette expiation, à condition qu'elle ait été donné par une tierce personne. Donc si une tierce personne vient donner l'expiation à celui qui a commis le péché, eh bien cette personne qui a commis le péché, si elle est dans le besoin, et si elle fait partie des pauvres, elle a le droit de bénéficier elle-même et d'en faire bénéficier sa famille. Est-ce que c'est clair? Sadisan, zahir al-hadith. أنه لا فرق في الرقبة بين الكافرة والمؤمنة وبهذا أخذ الحنفية والصحيح الذي عليه الجمهور أنه لا بد من إيمانها ويكون الحديث مقيدا بالنصوص التي فيها كفارة القتل فإنه ذكر فيها الإيمان. Sixièmement, ce qui apparaît du hadith et qu'il n'y a pas de différence entre un esclave non musulman et un esclave croyant. Et c'est l'avis de l'Hanafiya concernant l'affranchissement de l'esclave. Est-ce que cette expiation d'affranchir un esclave concerne celui qui possède des esclaves non musulmans ou est-ce que l'expiation concerne l'esclave musulman croyant? Al-Hanafiya considère qu'il n'y a pas de différence entre le non-musulman et le croyant parmi les esclaves lorsqu'il est affranchi. Quelle que soit sa nature, eh bien, l'expiation est valide. Et Cheikh al-Bassam, rahimahullah, dit « Mais la vérité, ce qui est authentique, et c'est l'avis de la majorité, des savants, est que l'esclave doit être croyant. » L'esclave qui est affranchi doit être croyant. Ainsi, ce hadith est restreint par les autres hadiths, par les autres textes, pardon, qui parlent de l'expiation du meurtre. Et notamment, ici, Cheikh al-Bassam, فَإِنَّهُ ذُكِرَ فِيهَا الْإِيمَانِ car dans ces textes, qui parle de l'expiation de l'assassinat, et eh bien, il est cité que l'esclave à affranchir doit être croyant. Il fait allusion à la parole d'Allah Azza wa Jalla, فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِدًا فَجَزَاءُ وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ. Et celui qui tue un croyant ou un musulman par erreur, alors son expiation est d'affranchir un esclave croyant. dans Surat An-Nisa. Qui a en tête une autre preuve que c'est un esclave croyant que l'on doit affranchir? Autre que ce verset, qui est largement suffisant. Le hadith que vous connaissez tous, tellement vous l'avez entendu. Mais vous l'avez entendu pour prouver une autre chose. Ahsant, le hadith de Al-Jariya, appelé hadith Al-Jariya, lorsque ce compagnon a giflé sa servante car le loup avait attaqué le troupeau et avait mangé notamment des brebis. Et sur le coup de l'énervement, il a giflé sa servante. Il a eu ensuite des remords et il est parti voir le prophète sallam pour savoir comment est-ce qu'il pouvait se rattraper et se racheter. Le prophète sallam lui a demandé de l'apporter. Il a apporté cette servante Al-Jariya qui était une jeune fille. Le prophète sallam lui a dit: "Ayn Allah? Où est Allah?" Qalat: "Fi as-sama." Allez, il est dans au-dessus des cieux. Puis le professeur Hassan lui a dit: "Man ana, qui suis-je ?" Elle a répondu: "Anta Rasulullah, tu es l'envoyé d'Allah." Et le professeur Hassan a dit: "I'tiqha fa innaha mu'mina." Affranchis-la car elle est croyante. C'est notamment une preuve que l'esclave qui doit être affranchi, lorsque l'on parle d'une expiation, est un esclave croyant. Sabi'an, husnu khuluqin nabi sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam. Wa karam il wifadati alayhi faqad ja'ahu hada rajul khaifan wajila faraha farahan ma'ahu ma yut'imu minhu ahla. Septièmement, on retient de ce hadith le remarquable comportement du prophète sallallahu alayhi wa sallam et la générosité dont il faisait preuve vis-à-vis de celui qui venait à lui. Car cet homme est venu vers le prophète sallallahu alayhi wa sallam en ayant peur et en étant déstabilisé. Lorsqu'il a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam: j'ai causé ma perte. Et dans une autre version authentique, cet homme a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam: ihtaraqt, ô envoyé d'Allah, je me suis brûlé, car il savait qu'il avait commis un péché qui risquait fort de le faire entrer en enfer. Donc une personne qui vient apeurée et qui vient affolée et qui dit des paroles prouve à quel point elle a peur. Et cet homme est retourné heureux et en plus avec de quoi nourrir sa famille. Thaminan, inna man irtakaba ma'asiyatan la hadda fiha, thumma ja'a ta'iban nadima, fa innahu la yu'azzar. Huitièmement, on retient de ce hadith que celui qui a commis un péché dans lequel il n'y a pas de sentence. Celui qui a commis un péché dans lequel il n'y a pas de sentence. Donc il faut différencier entre al-had et al-kafara. Il faut différencier entre la sentence et l'expiation. Ce sont deux choses différentes. La sentence, c'est, par exemple, قَطْعُ يَدِ السَّارِقِ de Naam. C'est une condamnation, une sentence. Naam. De couper la main du voleur. C'est une sentence. Donc ici, Cheikh Al-Bassam dit: celui qui commet un péché dans lequel il n'y a pas de sentence, puis vient avec des remords, des regrets, et en se repentant, alors on ne le réprimande pas. On ne le réprimande pas. On ne lui fait pas de reproches. Car cet homme, lorsqu'il est venu voir le professeur sallam et qui lui a informé de ce qu'il avait fait, qui était extrêmement grave. Est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a fait un reproche? Non. Car il a vu cet homme qui est venu regrettant ce qu'il a fait et demandant le pardon à Allah subhanahu wa ta'ala. Puis, Cheikh al-Bassam, rahimahullah ta'ala, pour compléter ce chapitre, a cité une parole de Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, rahimahullah ta'ala. Une parole qui est assez longue et que l'on va lire, inshallah ta'ala, et traduire car elle est extrêmement profitable. خلاصة فوائد من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. Donc il dit, Cheikh al-Bassam, voilà un résumé de paroles profitables de Cheikh al-Islam ibn تيمية رحمه الله تعالى. قال يفطر بالنص والإجماع الأكل والشرب والجماع. وثبت بالسنة والإجماع أن دم الحيض ينافي الصوم فلا تصوم الحائض ولكن تقضي الصيام وقال صلى الله عليه وسلم وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما فدل على أن نزول الماء من الأنف يفطر الصائم قال الخطابي ولا أعلم خلافا بين أهل العلم في أن من ذرعه القي فلا قضاء عليه وفي أن من استقى عامدا فعليه القضاء ومن احتلم بغير اختياره كالنائم لم يفطر بالاتفاق وأما من استمنى فأنزل فإنه يفطر وقد ثبت بدلالة الكتاب والسنة أن من فعل محظورا مخطئا أو ناسيا لم يؤاخذه الله بذلك ويكون بمنزلة من لم يفعله فلا يكون عليه إثم ومثل هذا لا تبطل عبادته فالصائم إذا أكل أو شرب أو جامع ناسيا أو مخطئا فلا قضاء عليه وهو قول طائفة من السلف والخلف. Donc Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah dit annule, c'est-à-dire le jeûne. Annule le jeûne par les textes et à l'unanimité des savants, donc il est prouvé dans le Coran et la Sunna et l'unanimité des savants que de boire, de manger et d'avoir des rapports avec son épouse annule le jeûne. Et il est rapporté dans la Sunna et à l'unanimité des savants que le sang des menstrues contredit le jeûne. Ainsi, la femme indisposée ne jeûne pas, mais elle doit rattraper son jeûne. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit et insiste dans l'istinshaq, c'est-à-dire dans le fait d'introduire l'eau dans les narines au moment de l'ablution, insiste dans al-istinshaq, sauf lorsque tu es en état de jeûne. Cela prouve que lorsque l'eau descend, lorsque l'eau traverse la gorge depuis le nez, que cela annule le jeûne. Al-Khattabi rahimahullah a dit, et je ne connais pas de divergence entre les savants sur le fait que celui qui vomit de façon involontaire, qu'il n'a pas à rattraper son jeûne, et que celui qui se fait vomir volontairement devra rattraper son jeûne. Et il dit aussi, et celui qui a eu un rêve érotique, celui qui a eu un rêve érotique sans le vouloir, كَنَّاِمِ لَمْ يُفْتِرْ بِلَتِّفَارِ, comme celui qui dort et qui a un rêve érotique et qui a vu un rêve érotique, eh bien, cela n'annule pas son jeûne à l'unanimité des savants. Quant à celui qui se masturbe jusqu'à éjaculer, alors son jeûne est annulé. Et il est rapporté dans le Coran et la Sunna que celui qui fait un interdit par erreur ou par oubli, Allah subhanahu wa ta'ala n'en tiendra pas compte. Et il sera comme celui qui ne l'a pas fait. Et il n'aura pas de péché à son compte également. Et celui qui est ainsi, c'est-à-dire celui qui fait un interdit du jeûne par erreur ou par oubli, celui-ci, son adoration n'est pas annulée, vu que Allah Azzawajal ne le prendra pas en compte et qu'il n'a pas de péché en ayant fait cela. Car on avait vu que certains savants disent qu'il n'a pas commis de péché, mais il doit rattraper son jeûne. On avait dit qu'il y avait certains savants qui disaient cela. Ainsi, le jeûneur, lorsqu'il boit ou mange, ou lorsqu'il a un rapport avec son épouse, par oubli ou par erreur, il n'a pas à le rattraper. Et c'est la parole d'un groupe des salafs et de ceux qui les ont suivis, et de ceux qui sont venus après eux, al-khalaf. ثم قال c'est-à-dire Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah wa amma al-kuhl wal-huqnah wa ma yuqattar fi al-ihlil wa mudawat al-ma'muma wal-ja'ifah fa hadha mimma tanaza'a fihi ahl al-'ilm fa minhum man lam yufattir bi shay'in min dhalik wa minhum man fattara bil jami' wal azhar annahu la yufattar bi shay'in min dhalik fa inna as-siyama min din al-muslimin alladhi yahtaju ila ma'rifatihi al-khass wal 'am fa law kanat hadhihi al-umur mimma harramaha Allah wa rasuluhu fi as-siyam wa yafsudu as-sawm biha lakana hadha mimma yajibu bayanuhu 'ala ar-rasul wa law dhakara dhalika la'alimahu as-sahaba وبلغوه الأمة كما بلغوا سائر شرعه فلما لم ينقل أحد من أهل العلم عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك لا حديثا صحيحا ولا ضعيفا ولا مسندا ولا مرسلا علم أنه لم يذكر شيئا من ذلك والحديث المروي في الكحل ضعيف والذين قالوا إن هذه الأمور تفطر لم يكن معهم حجة إلا القياس وأقوى ما احتج به وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما وهو قياس ضعيف وذلك أن من نشق الماء بمنخريه ينزل الماء إلى حلقه وإلى جوفه فحصل له بذلك ما يحصل للشارب بفمه ويغذي بدنه من ذلك الماء ويزول العطش فلو لم يرد النص بذلك لعلم بالعقل أن هذا من جنس الشرب فالصائم نهي عن الأكل والشرب لأن ذلك سبب التقوي وليس كذلك الكحل والحقنة ومداواة الجائفة والمأمومة فإنها لا تغذي البتة. Donc là il faut être très attentif, car il y a un certain nombre d'informations. Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah dit, et quant au kuhl, à la piqûre, et à ce qui est injecté dans l'urètre, wa mudawatu al-ma'mouma wal-ja'ifa. Donc ici, Cheikh al-Islam parle du kuhl. Qu'est-ce que le kuhl? C'est la poudre noire que l'on met sur les yeux. Est-ce que cela annule le jeûne ou pas? Vous êtes déjà posé la question? La réponse, elle est chez les savants, Inch'Allah. Wal-huqna, la piqûre. Autrement dit, l'injection. وما يقطر في الإحليل et ce qui est injecté dans l'urètre. Qu'est-ce que l'urètre? الإحليل. Qui sait ce qu'est l'urètre? نعم أحسنت. C'est le canal qu'il y a dans l'appareil génital, plus précisément de l'homme. أحسنت. Donc, lorsque l'on injecte, par exemple, un produit dans l'urètre, est-ce que cela annule le jeûne ou pas? Wa mudawatul ma'mouma. Et le fait de soigner al-ma'mouma. Et al-ma'mouma, c'est la blessure qu'il y a à la tête. C'est la blessure à la tête qui arrive jusqu'au cerveau. C'est une blessure ouverte à la tête qui en général arrive jusqu'au cerveau. Wal-ja'ifa, c'est la blessure qui arrive au ventre. C'est lorsque la personne est blessée au ventre, une blessure ouverte qui laisse apparaître l'intérieur du ventre. Le fait de guérir cela, c'est-à-dire dix versets, des médicaments ou des produits pour désinfecter, par exemple. Est-ce que cela annule le jeûne ou pas? Par exemple, une personne qui a le ventre ouvert et on verse un produit antiseptique pour éviter une infection. Est-ce qu'en versant ce produit dans cette ouverture qui est ouverte et grande, est-ce que cela annule le jeûne ou pas? Cheikhoul Islam Ibn Taymiyyah a dit, sur tout cela, les savants ont divergé. Certains considèrent que rien de ce qui n'a été cité annule le jeûne. D'autres ont dit que tout ce qui a été cité annule le jeûne. Et il dit, rahimahullah, وَلَظْهَرْ أَنَّهُ لَا يُفَطَّرُ بِشَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ. Et ce qui apparaît est que rien de tout cela n'annule le jeûne. Car le jeûne fait partie de la religion des musulmans. Donc, les musulmans ont besoin de connaître cela, que ce soit la masse des musulmans ou que ce soit une partie des musulmans. Le jeûne fait-il partie de la religion? Oui ou non? Oui. Le jeûne, est-ce que c'est juste une partie des musulmans qui le font ou ce sont tous les musulmans? Tous les musulmans. Donc, tous les musulmans sont donc amenés à connaître ce genre de choses, de connaître ce qui annule leur jeûne. Si ces choses, donc Cheikhoul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah dit, si ces choses faisaient partie de ce qu'Allah et son envoyé ont interdit pendant le jeûne, et si ces choses font partie des choses qui annulent le jeûne, eh bien, il aurait été obligatoire au prophète sallallahu alayhi wa sallam de l'enseigner à sa communauté. Car, est-ce qu'il y avait du kuhl au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Oui, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous conseille même d'utiliser alaykum bi bil ithmid fa innahu yajlu al basar. Utilisez al-ithmid car il améliore la vue. Et al-ithmid, c'est une sorte de kuhl, mais qui est non pas noir, mais rouge. Donc ceux qui ont l'occasion d'avoir du ithmid et de l'utiliser, le prophète sallallahu alayhi wa sallam en a vanté les mérites. Ou le fait d'injecter dans l'urètre, ou le fait de soigner une blessure à la tête ou au ventre, est-ce que cela était possible au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam? La réponse est et oui. Donc, Cheikhoul Islam Taymiyyah rahimahullah dit que si ces choses faisaient partie de ce qui annule le jeûne, eh bien, il aurait été du devoir du prophète sallallahu alayhi wa sallam de l'expliquer. Et si le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'avait expliqué, ses compagnons l'auraient su et l'auraient transmis à la communauté comme ils ont transmis les autres législations. Or, il n'a été rapporté par aucun savant du prophète sallallahu alayhi wa sallam ni un hadith authentique, ni un hadith faible, ni un hadith dont la chaîne de transmission est complète, ni même un hadith dans lequel il manquerait des rapporteurs. Donc, cela prouve que rien de cela n'a été cité par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Puis il dit, rahimahullah, quant au hadith rapporté sur Al-Kuhl, il est faible. Et quant à ceux qui ont dit que ces choses que l'on a citées annulent le jeûne, ils n'ont d'autres preuves que l'analogie. Ils n'ont d'autres preuves que l'analogie. C'est-à-dire, ils ont considéré que ces choses étaient similaires à d'autres choses qui leur ressemblent. Et il dit, rahimahullah, Cheikhoul Islam, et la plus forte de leurs preuves est le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, وَبَالِغْ فِي الْإِسْتِنْشَاقِ إِلَّا أَن تَكُونَ صَائِمًا. Et insiste dans l'istinshaq, dans le fait de laver ton nez, de rentrer l'eau dans ton nez, sauf quand tu es en état de jeûne. Et Cheikh Al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah dit wa huwa qiyasun da'if, et c'est une analogie faible. Comment est-ce que les savants qui considèrent que tout ce que l'on a cité précédemment annule le jeûne utilisent pour preuve le hadith baligh fil istinshaq, en utilisant l'analogie? Comment est-ce qu'ils ont procédé? En fait, l'analogie est que ce qui annule le jeûne, c'est à l'unanimité des savants, lorsque l'on boit, l'on mange, et lorsque on a un rapport avec son épouse. Mais ils ont dit que le prophète sallam a interdit d'insister sur l'istinshaq, car si l'eau rentre dans le corps autre que de la façon de boire, autre que la boisson, le fait de boire, eh bien que cela annule le jeûne. Donc si on dit que l'eau qui pénètre dans le nez annule le jeûne, pourquoi est-ce que l'on n'annulerait pas le jeûne de celui à qui l'on soigne une blessure ouverte du ventre? Lorsque l'on va verser les médicaments ou les produits, est-ce que l'eau va rentrer dans son ventre ou pas? Oui. Celui qui abuse dans l'istinshaq et l'eau rentre dans ses narines, est-ce qu'elle va arriver dans son ventre ou pas? Voilà l'analogie qu'ils ont utilisée. Peu importe, à la fin, c'est arrivé dans le ventre. C'est rentré à l'intérieur du corps. C'est rentré à l'intérieur du corps, comme le fait d'injecter un produit dans l'urètre. Là, on fait pénétrer une substance à l'intérieur du corps, autre que par la bouche. Or, le hadith vient, on comprend du hadith de Sinchar que ce qui rentre en dehors de la bouche annule également le jeûne. Et ici, dans le hadith, en l'occurrence, c'est au lieu de la bouche, le nez. Est-ce que vous voyez l'analogie ou pas? Taïm. Maintenant, la réponse de Cheikh Al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah. Il dit que celui qui, il dit tout d'abord que cette analogie est faible, car celui qui introduit de l'eau dans ses narines, l'eau va arriver à sa gorge, puis à l'intérieur de son ventre. Ainsi, il aura eu la même chose que celui qui a bu, car celui qui a bu, l'eau va arriver à la gorge, puis au ventre. وَيُغَذِّي بَدَنَهُ مِنْ ذَلِكَ, et ainsi il aura nourri son corps et aura fait disparaître la soif. Et si aucun hadith n'avait été cité à ce sujet, l'on aurait su par la raison que cela fait partie, que cela est assimilé à boire. Donc ici, Cheikh Al-Islam Ibn Taymiyyah a dit que le fait que l'on abuse dans l'istinshaq, que l'eau rentre par les narines, arrive à la gorge et termine au ventre, que cela, on ne peut pas le comparer avec les autres choses. Pourquoi? Car c'est de l'eau qui est rentrée. Et l'eau fortifie le corps. L'eau enlève la soif. D'accord? Et il dit même, rahimahullah, que même s'il n'y avait pas le hadith de l'istinshaq, l'on aurait su par la raison que celui qui introduit de l'eau jusqu'à ce qu'elle arrive à sa gorge et finit dans son ventre, que cela annule son jeûne, même s'il n'y avait pas ce hadith. Car la raison le soutient. Et cette personne aura nourri son corps par de l'eau qu'il n'a pas introduit dans son corps par la bouche, mais par le nez. Et c'est pour cela que Cheikh Al-Islam Ibn Taymiyyah a dit celui qui jeûne, on lui interdit de boire et de manger, car ceci renforce son corps. Et ce n'est pas le cas du kuhl, ce n'est pas le cas de la piqûre, et c'est pour ça que les savants disent les piqûres qui ne sont pas ghayr muraddiyah, les piqûres qui ne sont pas nourrissantes. Donc là, quand on parle des piqûres qui sont autorisées, c'est lorsque c'est un médicament pur, yani que cela ne nourrit pas le corps, que cela ne renforce pas le corps. C'est un médicament qui agit sur une maladie uniquement. Ce n'est pas une piqûre nourrissante. Donc, Cheikh Al-Islam Ibn Taymiyyah, rahimahullah, dit, et ce n'est pas le cas du kuhl, car quand tu mets cette poudre dans tes yeux, effectivement, elle rentre à l'intérieur de ton œil, mais est-ce que ton corps s'en voit fortifié? Non. Pareil pour la piqûre qui n'est pas nourrissante. Pareil pour le fait de soigner la blessure à la tête ou la blessure au ventre. Le fait de les soigner ne nourrit en aucun cas le corps. Et c'est pour cela que Cheikh Al-Islam Taymiyyah dit que c'est une analogie qui est faible, car on compare deux choses différentes. On compare une chose qui nourrit, à savoir l'eau, et une chose qui ne nourrit pas, à savoir le kuhl, le fait de soigner une blessure. Est-ce que c'est clair? Non. Non, il ne doit pas insister. Non. الجماع فإنه إحدى الشهوتين فجرى مجرى الأكل والشرب وقد قال تعالى في الحديث القدسي يدع شهوته وطعامه من أجلي فترك الإنسان شهوته عبادة مقصودة يثاب عليها وإنزال المني يجري مجرى الاستفراغ فالصائم قد نهي عن أخذ ما يقويه ويغذيه من الطعام والشراب فينهى عن إخراج ما يضعفه ويخرج مادته التي بها يتغذى وكونه يضعف البدن يجعل إفساده للصوم أعظم من إفساد الأكل. Quant au fait d'avoir des rapports avec son épouse, cela fait partie des deux délices qui sont interdits. Il y a le fait de boire et de manger et le fait d'avoir des rapports avec son épouse. Et Allah Azza wa Jal a dit dans le hadith Qudsi, et il délaisse ses plaisirs et sa nourriture pour moi. Lorsqu'Allah Azza wa Jal parle du jeûne et qu'il est le seul à en connaître la récompense. Et parmi les choses qu'Allah Azza wa Jalla a dit dans ce hadith Qudsi, en parlant de ce serviteur, il délaisse son plaisir et sa nourriture pour moi. Ainsi, le fait de délaisser son plaisir est une adoration pour laquelle le musulman sera récompensé. وإنزال المني يجري مجرى الاستفراغ. Et l'éjaculation a le même jugement que l'istifrar. Qu'est-ce que l'istifrar? Qui sait? L'istifrar, c'est le fait de sortir ce qu'il y a dans son ventre par le vomissement. De sortir ce qu'il y a dans le ventre par le vomissement. Que l'éjaculation a le même jugement que le vomissement. Lorsqu'il est fait de façon volontaire, alors il annule le jeûne. Lorsqu'il est fait de façon involontaire, alors il n'annule pas le jeûne. Vous suivez ou pas ? Ainsi, le jeûneur, il lui est interdit de prendre ce qui le renforce, comme nourriture et boisson. De la même façon, il lui est interdit de faire sortir ce qui l'affaiblira. De sortir ce qui l'affaiblira. Et d'extraire de son corps ce qui le nourrit et ce qui affaiblit le corps. Et le fait d'affaiblir le corps en sortant de façon volontaire cette substance de ton corps est pire que de manger. Car lorsque tu te fais vomir volontairement, pourquoi est-ce que cela est interdit? Car parmi les sagesses, c'est que tu fais sortir de ton ventre de la nourriture qu'il y a. Or, cette nourriture, toi qui es jeûneur, est-ce que tu en as besoin ou pas? Oui. Donc, tu fais sortir quelque chose dont tu as besoin. Et tu vas faire sortir quelque chose qui, lorsqu'elle sortira, autrement dit, cette nourriture, cela va t'affaiblir. Non? Ça, on verra, Inch'Allah. Ça, c'est le sujet de la semaine prochaine, bi'idhnillah. Ainsi, Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah rahimahullah dit, le fait d'affaiblir son corps en annulant le jeûne est pire que d'annuler le jeûne en mangeant. Car quand tu manges, tu te renforces, même si ton jeûne est annulé. ونكتفي بهذا القدر وسبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. On n'a pas fini la parole de Cheikh al-Islam Taymiyyah aujourd'hui, car j'ai préféré insister pour que vous compreniez chacune de ses paroles et chacun des termes qu'il a utilisés afin de profiter pleinement de ses fawa'id. Wa barakallahu fikum.